l'exploration du monde scout. Un programme hebdomadaire pour vous donner des réalités, nouvelles et expériences sur le scoutisme. Salut à toutes et à tous. C'est le moment de votre émission hebdomadaire, l'exploration du monde scout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du scoutisme. Nous allons explorer l'origine de la famille mondiale du scoutisme et plus précisément, nous allons voir comment le scoutisme a commencé, qui l'a fondé et où il a commencé. Comme d'habitude, vos présentateurs sont Priska Mokusa, Thierry Kimpiatou et moi, Mouali Larissa. Soyez les bienvenus. Et maintenant, commençons avec l'histoire du scoutisme. Robert Baden-Powell est associé à l'origine du mouvement scout en 1907. Né le 22 février 1857 en Angleterre, Baden-Powell, ou BP, servit dans l'armée britannique. Pendant sa carrière militaire en Inde, il fut responsable de la formation des éclaireurs militaires de l'armée britannique. Sa méthode de formation des éclaireurs militaires se révéla efficace, surtout grâce à l'utilisation du système de patrouille d'une façon très informelle. Pour partager ses expériences avec ses collègues de l'armée, il décide d'écrire un document intitulé « Aids to Scout Mastership, conseils aux éclaireurs ». Quand il retourne à Londres pour son congé, il part avec ce livre. Plus tard, lorsqu'il commande l'armée britannique à Mafeking, son livre est publié à Londres et devient populaire parmi quelques organisations des jeunes comme la YMCA et la Boys Brigade. Après le siège de Mafeking, il retourne à Londres comme héros national. Là, il visite l'organisation Boys Brigade qui utilisait son livre, mais il est attristé par la façon dont ils appliquaient les idées de cette publication. Il remarqua que les idées de ce livre n'étaient pas convenables pour les jeunes gens et promit d'écrire un livre qui est approprié à leur activité. Avant de terminer son livre, il décide de faire une expérience avec quelques garçons. Pendant ce temps, il fait le tour de l'Angleterre pour faire des discussions avec des jeunes gens dans des écoles et des églises. Les jeunes gens commencèrent d'organiser des patrouilles selon les idées de BP. En août 1907, il organise un camp d'essai dans l'île de Brownsea. Cet essai paraît positif et à la suite du camp, BP complète son livre et il est publié sous le titre de Scouting for Boys, traduit en français sous le titre d'éclaireur. Depuis lors, les garçons et les filles continuèrent de s'organiser en patrouille et plus tard en troupe pour mettre en œuvre ses idées. Est-ce que si BP a été guidé par son expérience militaire pour fonder le scoutisme, cela signifie que le scoutisme est militaire? Je ne peux pas m'imaginer un garçon de 10 ans avec un fusil. Non, nous n'avons pas d'armes. Il n'y a rien de militaire dans le scoutisme. Oui, le scoutisme a une relation avec l'armée, mais les deux sont différents. Quelques similarités sont comme la discipline et le défilé. Nous ne sommes pas une armée. En 1907, BP décide de camper avec 20 garçons dans l'île de Brownsea. C'est le premier camp scout. Il les forma et leur donna une preuve de natation. Ils devaient nager depuis l'île jusqu'au continent. Ils réussirent et furent les premiers scouts. Aujourd'hui, la famille mondiale du scoutisme est très grande. Il y a plus de 28 millions de scouts dans environ 200 pays dans le monde entier. 28 millions, ça alors, c'est vraiment un grand nombre. Oui, c'est vrai, Thierry. Et cela signifie que dans à peu près chaque pays que tu iras, tu trouveras probablement un scout. Maintenant, je comprends pourquoi le scoutisme est appelé une famille mondiale. Après 1907, on remarque une propagation rapide du scoutisme dans le monde entier. En Afrique, cela a été facilité d'une part par l'influence des colonisateurs comme les Anglais et les Français. Les missionnaires et les enseignants en provenance des pays occidentaux ont aussi amené quelques idées sur le scoutisme, car dans leur pays, le mouvement avait déjà commencé de se développer. Après avoir visité les scouts dans plusieurs parties du monde, Beppe se retire au Kenya en 1938 avec sa femme Olav pour habiter dans un endroit appelé Nyeri, situé à peu près à 100 km de l'est de Nairobi, la capitale du Kenya. Ça doit y avoir un intérêt particulier qui l'a poussé à choisir Nyeri. Sinon, pourquoi il a dû quitter l'Angleterre? Il a considéré Nyeri comme un bon terrain de camping. Il avait d'ailleurs visité le Kenya deux fois avant de s'y installer, d'abord en 1906 et puis en 1936. Il appela sa nouvelle maison Paxtu. Souvenez-vous qu'il y avait sa première maison, Pax, en Angleterre. Beppe habita à Nyeri jusqu'à sa mort le 8 janvier 1941. L'homme d'honneur, le visionnaire Lord Baden-Powell, fut enterré là où il avait choisi de s'installer comme chez lui, à Nyeri. Alors je pense que Nyeri est un endroit important pour les scouts. Tu as raison. Chaque année, les scouts de tous les coins du monde viennent au Kenya pour célébrer l'anniversaire de Beppe le 22 février. Il faut noter que Beppe et sa femme Olav ont une même date de naissance, le 22 février. Et par conséquent, pendant cette occasion, leurs anniversaires sont célébrés à la fois. Au fait, est-ce que le scoutisme est seulement pour les garçons? Non. Au départ, les garçons et les filles étaient dans des patrouilles séparées. Mais en 1909, une année après la publication de Scouting for Boys, il conseilla les filles de former le mouvement des guides qu'il confia à sa sœur Agnès. En fait, Beppe, le fondateur du scoutisme et du guidisme. Plus tard, cependant, quand le mouvement arrive en France, Espagne, Allemagne, etc., à cause des différences culturelles et religieuses, certaines associations nationales commencèrent d'accueillir les filles. Aujourd'hui, les associations mixtes sont plus nombreuses que les associations des garçons. Comme vous le savez, dans l'éducation moderne, les filles et les garçons étudient ensemble pour bénéficier des mêmes privilèges et pour apprendre à vivre et travailler ensemble d'une façon amicale. Au Kenya, par exemple, l'association nationale a cessé d'être appelée Kenya Boy Scouts, c'est-à-dire les jeunes garçons scouts du Kenya, pour devenir Kenya Scouts Association, qui signifie l'association des scouts du Kenya. Et les filles ont été autorisées officiellement à devenir membres depuis 1991. Le scoutisme, c'est l'interaction, se faire des amis et apprendre de nouvelles idées grâce à cette interaction. Le scoutisme est réglé par des principes. Il est non politique, n'appartient à aucune religion et ouvert à tous. Il est aussi fondé sur le volontariat. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Souvenez-vous que le scoutisme est ouvert à tous sans distinction de couleur, de croyance ni de religion. La semaine prochaine, nous allons voir comment lancer une unité scout. La semaine dernière, notre quiz était « Qui a fondé le scoutisme ?» Voici maintenant la réponse. C'est Lord Baden-Powell qui a fondé le mouvement scout. Et maintenant, soyez prêts pour le quiz de cette semaine. Qu'est-ce que les scouts célèbrent le 22 février ? Je répète, qu'est-ce que les scouts célèbrent le 22 février ? Envoyez la réponse, commentaire et questions sur le scoutisme sur cette adresse. Le réalisateur, Radio Scout Africaine, PO Box 63070, Nairobi, Kenya. Email scoutradio@africa.scout.org. Je répète, le réalisateur, Radio Scout Africaine, PO Box 63070, Nairobi, Kenya. Email scoutradio@africa.scout.org. Les 10 premières personnes avec des réponses correctes recevront un cadeau du Bureau mondial du scoutisme, Bureau régional africain Nairobi, Kenya. Ce programme a été écrit et réalisé par le Bureau mondial du scoutisme, Bureau régional africain en collaboration avec Africa Radio Service, New People Media Center, Nairobi, Kenya. Cette émission vous a été présentée par Priska Mukusa, Thierry Kimpiatou et moi Lila Rissa. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine fois. Ciao.